Chapitre 53. La peste à Recht. Mode d'ensevelissement des pestiférés. Une femme adultère lapidée. La fondation de Recht. Ses écoles. Sa position. Ses produits. Ses broderies. Les loupes. Jusqu'à la fin de l'année, la peste avait sévi à Recht et fait de nombreuses victimes. Depuis, elle avait cessé. L'épidémie, qui s'était déclarée au commencement du mois de mars 1877, dans un village nommé Cheft, au pied des montagnes, fut d'abord considérée comme une fièvre typhoïde, fréquente dans ces contrées où le drainage est imparfait. L'hiver avait été très doux, pas de neige, peu de pluie. Comme des symptômes de cette maladie s'étaient déjà manifestés à Recht dans les années précédentes, lorsque le bruit se répandit que plusieurs cas avaient eu lieu, on n'y avait pas attaché une grande importance. Les médecins européens résidant à Téhéran et d'autres venus de l'intérieur certifièrent que c'était réellement la peste. Un docteur persan envoyé à Recht fut du même avis. Néanmoins, ceux de la localité persistèrent à ne reconnaître qu'une fièvre typhoïde qui est presque à l'état endémique dans cette province. D'autres vieux médecins indigènes qui avaient vu la peste de 1832 refusèrent aussi de croire à l'invasion du terrible fléau. À cette époque, ces ravages avaient été tels qu'en moins de 4 semaines, la population fut décimée et la ville était restée déserte, tant par les ravages de la maladie que par la fuite des habitants. L'opinion des médecins européens n'était que trop fondée, car au mois d'avril, la peste s'était répandue à Recht et la population avait été obligée de s'installer dans les villages voisins. Pendant quelque temps, le fléau se localisa à Recht, mais ce dépit fut de courte durée. Bientôt, la maladie atteignit les campagnes, exerçant principalement ses ravages dans les bourgs où se trouvent des imamzadés, tombeaux de saints, près desquels les indigènes se rendaient en pèlerinage, espérant par leurs prières échapper à l'épidémie. Pendant 7 à 8 mois que la peste régna, elle fit plus de 4000 victimes à Recht et dans les environs. Le nombre des malades guéris fut estimé environ au double. Quel que fût le nom de la maladie, le caractère n'en fut pas moins des plus mortels. Plusieurs médecins européens l'avaient déclarée éminemment contagieuse, mais d'autres ne partagèrent pas cet avis. En effet, on remarqua que ceux qui venaient visiter les malades dans les maisons frappées par le fléau n'étaient pas généralement atteints. Fait étonnant, pas un seul Arménien ni un seul Européen ne succombèrent. La cause principale de cette exception peut être attribuée à la différence du régime. Les Persans, ne se nourrissant que de riz, de poissons salés, de crudités et de fruits verts, tandis que les autres ont une nourriture plus substantielle et plus saine. La maladie commence ordinairement par une fièvre intense, suivie quelques jours après d'une éruption rouge ou noire, selon la violence ou la bénignité du mal. Dans la plupart des cas, le pestiféré a des tumeurs buboniques dans l'oreille, sous les aisselles et à l'aine. Les remèdes employés par les médecins indigènes sont des plus simples et souvent très efficaces. Des boissons rafraîchissantes, de la quinine, de la teinture d'iode, des sangsues et des scarifications réussissent parfois quand on s'y prend au début. Les indigents, privés de médecins, brûlent au fer rouge les bubons et souvent sont guéris par ce moyen énergique. En avril, le premier mois de l'épidémie, on comptait 3 ou 4 décès par jour. En mai, ce nombre s'éleva à 5 ou 6. Il fut en juin de 8 à 10. Note, ces chiffres ne concernent que Recht même, mais une grande partie des habitants s'étant réfugiés dans les environs, on ignore le nombre de ceux qui sont morts hors de la ville. Fin de note. En septembre, une décroissance fut constatée et les guérisons furent plus nombreuses. En octobre, l'épidémie diminua considérablement et beaucoup de malades revinrent à la santé. Tous ces chiffres sont ceux des rapports officiels de l'autorité locale, mais ils ne sauraient être considérés comme absolument exacts vu l'absence complète de registres d'état civil pouvant indiquer le nombre précis des morts. Dans chaque quartier de la ville se trouve une place à proximité d'un ruisseau où les cadavres sont lavés et préparés d'après les prescriptions du Coran pour être ensevelis. C'est à ces endroits seulement que le nombre des corps aurait pu être contrôlé. Mais comme tous n'y furent pas portés, le total exact est resté inconnu. Un autre fait curieux à constater, c'est que les Mourdéchours, laveurs des morts, ne furent pas atteints, quoique constamment en contact avec les cadavres. Contrairement à l'opinion des médecins, l'automne enraya la marche de la maladie. Les fortes pluies qui tombèrent en novembre purifièrent l'atmosphère des miasmes délétères qui avaient engendré le fléau. À sa disparition succédèrent beaucoup de fièvres intermittentes fréquentes dans ce pays. Afin d'isoler le foyer de l'épidémie, on avait établi en juin une quarantaine de 12 jours au village de Manjil et dans d'autres localités. Mais comme dans ce pays, les mesures prises par le gouvernement n'existent que sur le papier, le passage était resté libre pour ceux qui donnaient un pêche-cache aux gardes du cordon sanitaire. Il résulta de cette quarantaine arbitraire une taxe sur les marchandises qui occasionna des retards dans leur transport. À la suite d'une enquête faite par la commission médicale envoyée du Caucase, une nouvelle quarantaine de 12 jours fut établie à la frontière russe pour les voyageurs et les marchandises venant de la Perse. Cette précaution avait, paraît-il, un but plutôt politique que sanitaire. Elle existait encore à mon arrivée à Recht. En général, dans la plupart des localités en Perse, les morts reposent parmi les vivants, les cimetières étant disséminés au milieu des quartiers habités. En outre, chacun enterre les siens où bon lui semble. Tantôt, on voit un tombeau isolé sous un grand arbre dans un jardin, tantôt dans le champ du propriétaire décédé. Lorsque la peste sévit à Recht, les tombes des pestiférés furent recouvertes d'une épaisse couche de chaux et d'autres substances chimiques pour empêcher le virus de s'évaporer au dehors. L'autorité défendit que les corps fussent exhumés pour les conduire en terre sainte, comme le désiraient les parents des défunts. Un grand nombre furent donc enterrés dans les cimetières au milieu de la ville. Pendant que je me trouvais à Recht, il se passa, dans un de ces champs de repos, une scène horrible et vraiment sauvage. Une personne soupçonnée d'avoir des relations intimes avec un boutiquier arménien y fut lapidée. Poursuivie par la populace qu'excitait un mollah, elle se réfugia dans ce cimetière. Éperdue dans sa course, elle tomba dans une fosse. La foule crut d'abord au miracle, c'est-à-dire qu'Allah avait frappé de mort la coupable. La voyant se relever, les fanatiques se ruèrent sur elle. La pauvre femme se traîna aux pieds du mollah et implora sa grâce en protestant de son innocence. Prières inutiles. Le prêtre, inflexible, lui jeta la première pierre, puis s'en retourna tranquillement, laissant la malheureuse périr sous les coups de ses énergumènes. Son corps mutilé et sanglant fut enseveli dans la fosse où, quelques instants auparavant, elle aurait peut-être trouvé son salut si elle avait eu la présence d'esprit d'y rester couchée jusqu'à la nuit. Pendant ce temps, l'Arménien, qu'on disait être son amant, fut massacré à coups de couteau. Aucun chrétien ne protesta contre ces actes de barbarie, dont deux innocents furent victimes, car il fut prouvé que la musulmane surprise dans la boutique du marchand n'y était venue que pour faire des emplettes. La plus grande consternation régna parmi tous les Européens. On crut les consulats d'Angleterre et de Russie menacés par les musulmans et peu sûre pour ceux qui étaient mis en best. Mais l'émotion se calma et il n'y eut aucune suite regrettable. Note. En best, les consulats étrangers étant des asiles inviolables, ceux qui sont poursuivis s'y réfugient. Leur famille leur apporte chaque jour la nourriture. Souvent, les agents diplomatiques obtiennent la grâce du réfugié dont le délit est généralement une dette arriérée. Fin de note. Cet épisode lamentable dépeint bien les mœurs du pays. Pour calculer, les Persans se servent de certains signes remplaçant les chiffres. Pour exprimer des nombres, ils emploient également des lettres. Ainsi, dans le mot resht, re signifie 200, che 300, te 400. On prétend qu'en les additionnant, le total donne le millésime de la fondation de la ville de Recht d'après l'égire de Mahomet. Avant la peste de 1877, on évaluait sa population à 20 000 âmes environ. Après, elle fut bien moindre. Recht est située dans une plaine marécageuse à 17 milles anglais de la mer Caspienne et à quelques mètres au-dessus de son niveau. Sa distance des montagnes est de 20 à 25 milles. Les maisons, sises au milieu de jardins, sont à un étage et entourées d'une véranda. Note. À Téhéran, les maisons n'ont point d'étage. Il n'est pas permis d'en élever. La raison de cette défense est d'empêcher les habitants de voir ce qui se passe chez les voisins. Nulle part, le respect du mur privé n'est poussé si loin. Fin de note. Leur construction est différente de celle de la capitale. La porte seule, petite et basse, ressemble à l'entrée des habitations de Téhéran. À en juger par la quantité de ces écoles, les habitants de Recht encouragent l'instruction. Les maîtres sont des mollahs auxquels les parents donnent des peshkesh lorsque l'enfant sait lire. Le seul livre de lecture est le Coran. L'instruction du plus grand nombre des Persans se borne à savoir lire, écrire et à connaître les premiers éléments de l'arithmétique. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les filles reçoivent la même éducation que les garçons. On la complète en leur apprenant à coudre. Les riches ne sont pas plus savants que les pauvres. Quelquefois, elles savent jouer d'un instrument de musique national et chanter. Les plus instruites connaissent les poètes populaires Saadi et Hafiz, dont certains vers sont passés en proverbes. Note. Saadi, nommé Masleh-Eddin, est l'auteur de Goulistan ou l'Empire des Roses, poème traduit en plusieurs langues de l'Europe. Le nom de Saadi lui fut donné parce que son père était attaché à l'Atabek Abu Bekr Saad de la dynastie des Salgouriens qui régna pendant 125 ans sur la province de Fars, dont Shiraz était la capitale. Cette ville est le lieu de naissance de Saadi. On prétend qu'il passa 30 ans de sa vie à étudier, 30 ans à voyager et 30 ans dans la retraite et les exercices de piété. À sa mort en 1194, il avait 102 ans. Son tombeau se trouve à Shiraz, à l'endroit où il vécut ses dernières années. Fin de la note sur Saadi. Note sur Hafiz. Mohamed Shems Eddin, surnommé Hafiz, naquit à Shiraz au XIVe siècle. Il se livra d'abord à l'étude de la théologie. Sa connaissance du Coran lui valut le surnom de Hafiz qui veut dire « celui qui sait tout le Coran par cœur ». Hafiz est la prononciation persane du mot arabe « hafed », gardien, conservateur. Son amour pour une jeune fille de Shiraz fit du théologien un poète. Bien que zélé musulman, il chanta le vin, sa boisson favorite. Hafiz était contemporain de Tamerlan. La date de sa mort n'est pas certaine. On la fait remonter à 1389. on voit son tombeau à proximité de Shiraz. Fin de la note sur Hafiz. Les fillettes de 8 à 10 ans à peine se voilent déjà la figure, habitude qui devient plus tard une obligation. On voit dans ces écoles les unes situées au bazar, les autres attenant au téquier, les mollahs accroupis sur le sol, entourés d'enfants des deux sexes. À Recht, il y a aussi un médressé, où ceux qui se préparent à l'état ecclésiastique font leurs études. Note, médressé, collège de théologie. Ce sont principalement des fils de mollahs dont la profession lucrative et privilégiée se transmet de père en fils. Un grand nombre d'entre eux se disent séides, descendants du prophète. Le gouvernement n'entretient pas d'école en Perse, à l'exception cependant du collège royal de Téhéran, dans lequel différentes branches d'instruction supérieure sont enseignées par des professeurs laïcs et des Européens. Ceux qui se prétendent lettrés font précéder leur nom du mot « Mirza ». Ils ont moins de connaissances générales d'histoire, de géographie, etc. qu'un simple élève d'école primaire en Europe. Sur les différentes places de la ville s'élèvent un grand nombre de plateformes couvertes d'une toiture. Elles servent de téquier, où ont lieu les taisiers, non seulement pendant le Moharem, mais encore durant l'année comme œuvre pieuse. Dans les quartiers dépourvus de ces sortes de théâtres, on y supplée par des estrades provisoires autour desquelles une foule considérable s'accroupit dans la rue. J'assistais à une de ces représentations religieuses, organisées en guise d'action de grâce par ceux que la peste avait épargnés, afin qu'Allah éloigna d'eux ce fléau. Comme à Téhéran, on se cotise pour payer les frais d'un téquier. Les marchands du bazar prêtent gratuitement les objets nécessaires à la mise en scène, très primitive et originale. Acteurs, chanteurs, musiciens, décors, costumes, tout a un cachet provincial. On n'y voit point le luxe déployé au téquier de la capitale. Je vis un mollah monter en chair et exhorter les fidèles par quelques paroles prononcées avec une gravité solennelle à s'attendrir au récit qu'ils allaient entendre. Il ajouta que ceux qui ne se sentaient pas les larmes au cœur étaient indignes d'assister à la représentation sacrée. Cet exorde suffit pour faire verser des pleurs. Tout étrange que cet attendrissement puisse paraître, on ne peut s'empêcher d'être frappé de la bonne foi et de la naïveté de l'auditoire. Après chaque scène, et lorsque la douleur des spectateurs arrive à son paroxysme, le principal acteur interrompt son jeu pour faire appel à son profit à la générosité des pieux assistants. Il invoque Mahomet, sa famille et tous les saints en particulier, au nom desquels il demande la charité en ces termes. Si vous adorez Allah et son prophète, qui vous promet le paradis, donnez-moi un cran et vous entrerez dans le lieu de l'éternelle félicité. Si vous aimez Ali, donnez-moi un autre. Si vous êtes touché des malheurs de Hussein, donnez-moi un parabat. Note, 50 centimes environ. Faites de même en mémoire de son frère Hassan et de tous les membres de la Sainte Famille. En m'accordant ce que je vous demande, vous ferez preuve de vos sentiments de vrais musulmans, etc., etc. Ces paroles débitées avec emphase ne manquent pas leur effet. L'écran et les parabates des naïfs pleuvent dans les mains des enfants qui représentent ceux de la famille d'Ali et tout le produit va remplir l'escarcelle du bon apôtre. Pendant la quête, il pérore sans fin et pour stimuler la générosité des uns, il montre avec l'agilité d'un escamoteur les pièces d'argent qu'il a reçues des autres, truc qui ne manque pas de réussir. À en juger par la pauvreté des étalages dans les boutiques du bazar et des caravansérails, Recht n'offre que des objets médiocres et de première nécessité. Sa principale industrie est la broderie en soie au point de crochet sur drap faite par les hommes. Le mètre carré de ce beau travail revient à 4 tomans, 40 francs, ce qui est le double du prix d'un bon tapis coûtant en moyenne 20 francs le mètre carré. La région est riche en forêts où le buis abonde. Dans la province du Rhilan et du Mazandéran, le nombre d'arbres abattus en 1876 s'éleva à 200 000. La coupe de cette grande quantité de bois a une influence sur le climat. Un effet étrange et contraire à ce qui a été constaté dans d'autres contrées, c'est que ce déboisement et l'établissement des rizières ont rendu la contrée plus salubre et moins humide. Le buis s'achète à bon marché, mais le transport en augmente considérablement le prix. Il en est de même des loupes, excroissances très dures, qui se trouvent sur les noyers, dans les montagnes boisées, entre les provinces caspiennes et celles du reste de la Perse. Quelques-unes de ces loupes atteignent le poids de 1000 kg, et même plus. Elles poussent au sommet, à côté du tronc, ou sur les branches de ces arbres gigantesques que l'on abat pour les enlever. Sur place, elles ne sont pas d'un prix élevé, mais exportées en Europe, elles font l'objet d'un grand commerce et se vendent souvent jusqu'à 10 000 francs la pièce et davantage. On s'en sert pour le plaquage des meubles. Détrempées par la vapeur, ces loupes sont coupées au moyen de scies mécaniques en feuilles très minces qui durcissent ensuite. Elles présentent une variété infinie de dessins inimitables. La soie a été, jusque dans ces derniers temps, l'une des principales richesses du Rhilan. Mais depuis une dizaine d'années, la maladie des vers à soie a diminué de beaucoup la récolte des cocons. Une des plus désastreuses a été celle de 1876, qui n'a donné que 1800 mènes. Note, un mène équivaut à 12 1/3 de livres anglaises. Fin de note. En 1874, on récolta 58 000 mènes de soie brute. Découragés par de tels résultats, les cultivateurs du Rhilan remplacèrent une partie de leurs mûriers par des plantations de tabac dont Samsun, sur la mer Noire, leur a fourni la graine. Cet essai ayant paru satisfaisant, une société s'est formée pour la plantation du tabac sur une grande échelle dans le Rhilan. Le poisson est également une des grandes ressources du pays. Le droit de pêche dans les rizières, lacs et étangs des provinces du Rhilan, du Mazandéran et d'Astérabad est concédé par le gouvernement persan à un particulier pour 41 000 tomans par an. Ces eaux sont si poissonneuses que les pêcheurs ne gardent que le gros poisson. Le port d'Enezeli, entrée de la province du Rhilan, occupe au-delà d'un millier de pêcheurs pendant la saison qui commence au mois de décembre et finit en mars. Il s'y trouve aussi un établissement pour la salaison du poisson qu'on exporte principalement en Russie. Dans le Sefid Rud, le principal cours d'eau du Rhilan, les surgeons se trouvent en abondance. Les œufs de ce poisson donnent un caviar excellent et une pâte pressée, salée, très dure, nommé poutargue. Il produit aussi une colle bien connue des cordons bleus pour les gelées et les crèmes. Les Persans ne mangent que les poissons qui ont des écailles. Le sel employé à la salaison du produit de la pêche est apporté en énormes blocs de Tchéléken, île située à proximité de Krasnovodsk, possession russe sur les bords de la mer Caspienne. Le riz cultivé depuis peu au Rhilan est devenu un produit de beaucoup d'importance. La campagne est très giboyeuse. Les faisans et les canards sauvages y abondent. Les plumes de ces derniers constituent un article important de commerce avec Bakou et la Russie. Les indigènes consomment pour leur alimentation une certaine quantité de ce gibier, mais ils en exportent des cargaisons entières qu'ils vendent au prix maudit de 40 centimes la paire. Malgré ce bon marché excessif, le produit de la vente de ces oiseaux s'élève chaque année à environ 4 000 tomans, 40 000 francs. La chasse au canard se fait au flambeau. Par les nuits sombres, une torche est placée à l'arrière du bateau. Un homme, armé d'un filet, attaché à deux perches, guette la proie. À son approche, il jette son filet, qu'il ramène en joignant les bâtons. À chaque coup, les captures sont nombreuses. Les ailes repliées sur le corps, les canards sont entassés au fond de l'embarcation. Il y en a tellement sur le lac Mourdab, eau morte, à peu de distance de Recht, vers Enezeli, qu'on les prend par centaines, entendant défiler. Les habitants de la province du Rilan se font remarquer par une bonté et une douceur tranchant vivement avec le caractère des autres persans. Ils parlent d'un dialogue qui leur est propre et fort agréable à l'oreille. Fin du chapitre 53.